Il a quand même jugé nécessaire. À ce moment-là, ça lui semblait pertinent. Moi, je vous demandais de baisser le ton. Oh. Très bien. Je vais le faire. Il est presque aussi flamboyant que Piqué Subban. Il coûte presque aussi cher que lui, mais heureusement, il ne se terre pas à Toronto pour manger des gros steaks. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vaux. Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement de temps de se remettre de la vague de froid qui sévit partout au Québec. C'est-tu terrible? C'est-tu terrible? Il fait-tu assez frette? Fred Savard, bonsoir. Brrrr! Écoute! Clac, clac, clac, mes dents clac. Puis qu'à te parler, moi. C'est quoi? Clac, clac, clac, gars. Une affaire de fou. Non, je vous le dis, ça gèle. Hey, non, mais Fred, comment ils font le monde qui vivent dans les pays nordiques? Aucune idée. Hey, ils vivent ça chaque année, eux autres. Ah, c'est fou. Nous autres, on est chanceux, on est surpris la première fois. Non. Mais tabarouette, j'aimerais pas ça vivre là, moi. Regarde. C'est ça de l'air tellement fret. Je veux dire, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je pense que le truc, c'est que c'est de s'habiller, hein. Arrêtez donc. Ben, j'ai regardé un peu les nouvelles. Faut s'habiller. Il paraît, oui. Ah, ben. Ah, ben oui, c'est ça, hein. Ils mettent plusieurs couches, qu'ils disent. Comme un oignon. Ou comme un vieux là, dans nos CLSC au Québec, là. Mettre des couches une après l'autre, il lave pas. Hein? Ça va assez mal dans les CLSC au Québec. Je comprends. Puis pendant ce temps-là, c'est quoi que notre première ministre fait? Ouais. Elle s'en va en voyage en Europe. Ouais. Elle s'en va faire une petite tournée, hein? En Europe, la Châtelaine qui va visiter des châteaux. Tabarouette. Elle s'en va à Davos en premier. On a appris ça à Davos. Elle va aller voir ses amis riches. Hein? Après ça, elle va terminer ça en Écosse pour aller rencontrer les méchants séparatistes. Ben là, méchants séparatistes, ça fait 800 ans qu'ils en parlent en Écosse d'indépendance. 800 ans? Ouais. Ah ben, ils vont bien s'entendre avec le PQ. Ouais. Je pense que c'est ça qu'ils appellent l'étapiste. Oui, tranquillement, ça s'en vient. Regarde, j'ai confiance. Les petits gestes, tranquillement. Non, mais sans blague, il paraît qu'elle s'en va en Écosse, en fait, pour signer des ententes bilatérales. Bon, enfin, on va avoir la recette pour faire du scotch québécois. Ouais, non, mais non, en fait, je pense qu'ils vont commencer par mettre de la cornemuse dans les musiques de rap là, de Jean-François Lisée. Ouais, ça va être bon, ça. Comme ça, puis si c'est bon, ben là, on va avoir la recette de scotch à l'érable. Ouais, ben, je pense qu'on va rester au vin de glace, finalement. Hey, c'est-tu bon, ça? Hey. T'as une question, Fred. C'est-tu bon, ce vin de glace? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui achète du vin de glace? Non, mais je dis, c'est quoi ça? Moi, j'ai pas d'amis assez riches pour acheter du vin de glace. Mais non, c'est ça. 50 piastres long. C'est une affaire de fou. Elle m'en met, moi, les petites pommes gelées dans la bouteille. Hey. C'est rendu une valeur refuge. Ben oui, ça va être la devise du Québec indépendant, ça. Hein? Le vin de glace. On va te savoir un référendum bientôt. Non, Fred. Le PQ va annoncer prochainement là, sa nouvelle gouvernance souverainiste. Ah, qui va financer avec de l'argent public? Non, il paraît que c'est le PQ lui-même qui va payer pour ça. Non, c'est juste au fédéral hein, que les fonds publics servent à l'unité nationale. Non, il n'y a pas de. Oui, il y a ça pas nous de. On prendrait nous autres aussi une guerre imaginaire, là. On en a. Au Québec, des guerres imaginaires. Oui, on a. T'as un peu, là. On a la guerre des tucs. Ah, ouais. Hein? On a la guerre des clans. La guerre des clans. Regarde, je le verrais, moi, luxonné, Saint-Dicenne. Hein? Quoique, là, c'est peut-être plus un 2$. Mais bon, parlant de gros argent, il y a Martin Dumont, hein, le témoin vedette de la commission Charbonneau. Hein, il l'a-tu vu ou il l'a pas vu, 850 000$? On le sait pas. Hein? En fait, moi, je pense que c'est juste quand il parle à la police qu'il l'a pas vu. Ah, c'est ouais, ça. Il cache la vue. Là. D'ailleurs, parlant de police, il aurait aussi oublié de dire aux enquêteurs qui aurait vu Gérald Tremblay pendant les rencontres, mais il l'a dit quand même à la commission. C'était mélangeant cette semaine. Non, c'est qui le conseille, lui? Jacques Duchesneau. Ah? C'est... qui conseille aussi, d'ailleurs, Annick Jean. Oh, ouais, OK. Ouais, ouais. Elle aimerait ça oublier, je pense. Ouais, non, nous, on aimerait ça oublier, Fred. toujours est-il qu'on se rend compte que le pauvre Gérald Tremblay, dans tout ça, là, ben, c'est une victime. Oh. Hein? Une innocente victime. Oui, non, c'est n'importe quoi. Il y a un ingénieur qui l'a dit. Là. Les ristournes de 3%, c'est installé sous Gérald Tremblay. C'était même installé sous Pierre Bourque. En dessous de Pierre Bourque? Ouais. Hey, il devait pas avoir beaucoup d'air. Hein? Des jokes de gros, là, France. Non, Fred, excuse-moi, on l'a vu et on l'a lu dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Hein, le Conseil canadien des normes de radio-télévision l'a dit, on peut rire des gros, mesdames et messieurs. Ils viennent de le dire. Un jugement qui était rendu. C'est correct, là. Ben oui, c'est correct. Fait qu'on peut commencer ici à faire enfin des jokes de gros. C'est-tu rétroactif, ça? C'est-à-dire? Vous parlez des blagues sur le Dr Barrette qu'on a fait, nous, ici, à l'émission, pendant 29 semaines. Non, mais c'est... Est-ce que c'était vraiment des blagues de gros plus des blagues de médecins? Ben, en fait, c'est des blagues de gros médecins. Bah, c'est ça. Mais parlant de médecins, justement, on l'a vu cette semaine, les médecins québécois, ce sont eux qui gagnent le moins d'argent au Canada tout entier. Hein? Ben oui, non, je vous l'ai dit. Ben, pas surprenant qu'ils veulent tous faire de la politique, comme le docteur Couillard. Ah ouais, c'est un docteur, lui. Ben oui. Ah, je pensais que c'était un sheikh arabe. Non, vous mélangez avec le docteur Porter. Ah? On les mélange tout le temps, ces deux-là, hein? Casim, là? Ouais, ouais, le gars du Casim. Ouais. Blanc-bonnet, bonnet-brun. Ouais, lui et les autres, exactement. En tout cas, il n'y a pas de danger cette semaine de mélanger nos invités. On va commencer tout d'abord avec Alexandre Boulris, que vous connaissez, député du NPD à Rosemont. Ouais. C'est difficile de faire des blagues sur lui, il me semble. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de défaut. Hein, on ne le connaît pas beaucoup. Hein? Ah, non, mais ça va venir par percer, le NPD, ça. Ah, ouais, c'est un jeune parti. Ça va lever, ça va lever, éventuellement. Hein? Ah, ben bon, on reçoit également Sylvie Roy, hein, de la CAQ. Difficile de faire des blagues sur elle. Ben, justement, je pense qu'elle était prise sur l'autoroute, là, la route glacée, ça. Ah, c'est la faute du PQ, ça. Ben encore, oui, c'est encore la faute du PQ. Ah, ouais. Mais elle va arriver bientôt, j'espère. En tout cas, écoute, de toute façon, on se calme. On a toute la soirée parce que, ben, elle est encore jeune, cette soirée-là, tout le monde. Ah, il fait tellement froid. Hein? Ah, il fait-tu froid? C'est fou. Moi, j'en reviens pas encore, mais Olivier Niquette? Oui. L'Internet. Ben, les gens peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée ou facebook.com/lasoirée est encore jeune ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront lire Richard Martineau qui compare maître Suzanne Gagné à la reine des extraterrestres dans le film Alien. Ah, c'est intéressant, ça. Hein? OK. Vulgarise. grosse semaine d'actualité, hein? En tout cas, certainement plus grosse que la Zouiz du Britannique qui a décidé la semaine dernière de violer un bonhomme de neige. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, oui, pour vrai. Sans blague. Spécial. Oui, oui, oui. Ben, il a fallu qu'il aille à l'hôpital se faire dégeler la bisoune. Ah, ouais. Pas de joke. Quelle spécialité en médecine, ça? Ben, les soins infirmiers, je pense. T'as pas besoin de diplôme universitaire pour ça. Un deck suffit amplement. Ouais. Hey, ça paraît qu'il n'y a pas de filles dans cette équipe-là pour non, nous. Ouais, non, franchement. Okay, attends. Hey, on a appris avec consternation cette semaine que la chaîne de télé Sun News, propriété de Québécois, avait perdu 17 millions de dollars depuis son ouverture en 2011. C'est quand même étonnant qu'une télé comme ça fonctionne pas mieux, en fait, dans un libre marché comme le Canada. Ça, ouais, mais c'est parce que si le libre marché a un biais gauchiste. Hein, C'est quand même triste parce qu'on aime ça, nous, la diversité d'opinions, surtout qu'à Sun News, ben, des opinions, il y a juste ça. Oui, oui. Alors, on s'est dit qu'il fallait sauver Sun News et ça nous a inspiré notre palmarès hebdomadaire. Alors voici 5 façons de rentabiliser Sun News. Ouais. En 5e position, mettre du jazz la nuit. Ah ouais. Hein? C'est vrai, ça a bien marché ça pour Radio X. Oui, ça a fait augmenter ses codes d'écoute la nuit. Oui, hein, la nuit, mais c'est un début. Ouais, ouais, ouais. Il permet des spectacles de My Jiggles aussi la nuit. Ça pognerait. Ah ouais. Hein? En 4e position, mettre un feu de foyer. La nuit? Non, tout le temps. Ah. Puis mettre Ezra Levin dans le foyer. Ah ouais, ça ne brûlera pas longtemps, c'est comme un feu de paille, ça. Ça fait ouf. Oh, OK. En troisième position, avoir plus d'émissions en français. Ah, ben, il faut pas sous-estimer les Québécois francophones. Hein. On peut être aussi un petit peu moron. Oui, moron. Ça fait un beau débouché pour Hubert d'Occupation d'Eau. Ben oui, il voulait pas être député conservateur. Ben, ça serait un tremplin. Ben oui. En deuxième position, mettre plus de tout nu. Ben oui. Et ça serait un bon débouché pour Andréanne, si c'est la copine d'Hubert, justement. Ouais. Ouais. Pour appeler ça Moon News. Ouais, ouais. Ah, OK. Et après, vous avez pas de blague à faire tout de suite après? Non, vous l'avez enlevé. On enchaîne. Je vais faire ma demi-filiante. Ah, on enchaîne. Ça. Il y a des patrons dans la salle et on se surveille, c'est ça? Alors, en première position, fermer toutes les écoles. Comme ça, dans 20 ans, ben, un nouveau public sera enfin prêt pour comprendre les subtilités de Sun News. Ben oui! C'était pas ça le but de la réforme, d'ailleurs? La réforme scolaire? Ouais. Bon, c'est en route, là, je pense. Ça fonctionne assez bien. Fred, notre premier invité. Désigné comme la bête noire du Parti conservateur, ce jeune député fait de plus en plus parler de lui dans un parti dont on parle de moins en moins. Ben ouais. Accueillons le député néo-démocrate Alexandre Boulris. Ah! C'est vrai ça qu'on parle de moins en moins du NPD? Ben, je pense pas. Je pense qu'on entend parler de nous autres beaucoup. Par contre, pour avoir accès au premier ministre, malheureusement, peut-être que au lieu d'être député ou chef autochtone, il faut gagner à occupation double. C'est une stratégie. Ben, je veux dire, chacun ses intérêts. Cela dit, merci beaucoup parce que hier, je pense, ou mercredi dernier, vous avez organisé un événement de soutien à Radio-Canada contre les compressions. Mm-hmm. Et ben, j'imagine qu'avec ça, vous avez réussi à convaincre le gouvernement Harper que de réinvestir dans Radio-Canada. C'est fait? Ben, je pense que assez rapidement, sous la pression de tout le monde qui était là, des députés néo-démocrates, James Moore va succomber là, et puis va bientôt annoncer sur Twitter qu'il va réinvestir massivement pour un pôle public en information, ce qui serait très intéressant. Oui. Vu qu'il dit qu'il croit, ce serait le fun qu'après les voisines suivent les babines. Entre vous et moi, ça ne servira à rien, cette affaire-là. Ben, je veux dire, ça changera pas grand-chose, c'est ça. C'est comme plus que. Parce que des 5 à 7, on en a fait, nous autres, dans les 5 à 7 contre la violence. Ben oui. L'autre jour, on a fait un 5 à 7 contre la violence. On peut en organiser aussi. On s'est pas battu. Ouais, c'est ça. Ben, pourquoi vous. C'est vrai. Mais je veux dire, concrètement, on peut faire quoi? Concrètement, quand un gouvernement majoritaire, on ne gagne pas beaucoup de votes à la Chambre des communes. C'est pour ça que c'est le fun d'être à l'extérieur de la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est plein de conservateurs, c'est dangereux. Mais à l'extérieur, on peut gagner les cœurs et les esprits. Et puis, convaincre le monde qu'en 2015, c'est le temps de changer un petit peu, puis de s'en débarrasser. Puis peut-être là, avoir du monde qui sont plus sensibles aux bonnes jokes que vous faites. Ben oui, non, c'est ça. Puis premièrement, je veux dire, on nous accuse souvent d'être juste d'un côté. Hein. Oui. Et puis c'est pas vrai du tout. On est méchant avec tout le monde. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais être méchant aussi avec vous. Là, j'ai une question. Okay. Comment ils vont, vos candidats poteaux? Ils ont-tu appris à lire depuis l'élection? Bon, c'est pas fin, ça. T'as dit avec conviction. Non, c'était pas mais non, mais je l'avais écrit. Mais les candidats poteaux, depuis l'élection, ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit qu'il y a des branches qui poussent, des feuilles, puis il y a des racines aussi. C'est un arbre, finalement. Ils s'implantent dans leur comté, puis ça va de mieux en mieux. Je veux dire, nos étudiants ont fini par leurs études. Et puis, c'est ça. Mais vous êtes un des rares avec beaucoup d'expérience, quand même. Vous êtes rendu même la bête noire. On dit que vous êtes la bête noire. Ben oui, on dit ça. Et vous avez... parfois, mes enfants me disent la même chose également. Quand je suis un petit peu trop sévère avec eux autres. Ouais. Mais étonnamment, je n'ai pas plus d'expérience que mes collègues qui sont plus jeunes. Mais je pense qu'on a, et ça c'est sérieux, on a la beauté d'avoir un caucus qui est représentatif de la société. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste des hommes d'affaires blancs ou des avocats qui sont des députés, qui sont les législateurs, mais c'est du monde qui vient de partout, qui représente le vrai monde. Fait que oui, des fois, il peut y avoir des jeunes et des étudiants là-dedans, et ils sont excellents, soit dit en passant. Ben, ils sont excellents. Justement, vous avez pris beaucoup de place quand même. Vous avez fait un peu d'ombre à ces excellents députés qu'on connaît pas. Non, mais il y a quelques surnoms qui sont restés. Vous êtes one of the NDP's attack dog. Hein? On dit ça de vous. On dit aussi Star Québec Rookie ou le Denis Coderre du NPD. Ah ouais, mais c'est différents. C'est comme ça. Ben, disons, je vais prendre. Peux-tu les classer dans l'ordre de mes préférences? Je suis pas sûr que Denis Coderre va être le numéro un. Non, mais pas nécessairement. Mais oui, Denis, c'est un ami. Fait qu'on va faire attention à Denis. J'aime bien monter les crocs. Ouais. Et puis, les raisons de s'indigner avec les conservateurs sont suffisamment fréquentes pour que vous me voyez péter ma coche à la télévision de temps en temps. Ben, paraît-il que c'est vous qui avez obtenu le plus de temps de glace médiatique et parlementaire. C'est l'agence QMI qui a compilé ça. Vous vous êtes levé à plus de 110 reprises pour questionner le gouvernement. Oui. Vous avez des bons genoux. J'ai des bons genoux et je pense aussi avoir le cœur suffisamment solide pour résister aux insignifiances que j'obtiens en réponse. Parce que la période de questions, c'est le highlight de la Chambre des communes, mais ça s'appelle la période de questions, pas la période de réponses. Donc, c'est facultatif, la réponse. Vous posez des questions. Mais quand même, paraît-il que le ton s'est un peu envenimé au Parlement. Il y a même un député conservateur de Richmond Hill, Menegakis, qui aurait peut-être soulevé quelques questions sur vos allégeances politiques. Parce que je vois là, vous avez fait 29 dons à Québec solidaire dans votre vie. Oui. Est-ce que vous êtes indépendantiste? Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. Je vous écoutais chez Éric Duhem et vous avez évité la question, je vous dirais, assez habilement. Malheureusement, je ne suis pas Éric Duhem. C'est plutôt votre avantage, je vous dirais. C'est votre opinion. Je la partage. Est-ce que vous êtes souverainiste? Mais vous savez, moi, je me suis présenté comme candidat avec l'équipe de Jack Layton pour travailler ensemble. On va recommencer. Êtes-vous souverainiste? Vous savez, je suis un député fédéraliste. Est-ce que vous avez écouté Oprah avec Lance Armstrong? Vous pouvez me répondre oui ou non. Alors, êtes-vous souverainiste? Non. Wow. Là, on va découper ça, on va mettre ça dans les nouvelles. Je suis un homme de gauche. Ouais. Et au Québec, on a des formations politiques qui sont à la fois soit à droite, soit à gauche, ou alors qui sont des fois souverainistes ou fédéralistes. Oui. Moi, ce qui est important, c'est de battre la droite, battre les idées conservatrices et amener le progrès social. Alors, c'est pour ça que moi, mon implication puis mon investissement dans Québec solidaire, c'est d'abord celui d'un progressiste puis d'un homme de gauche. Alors, il n'y a pas d'incohérence entre les deux. Je suis un homme de gauche au provincial puis au fédéral. Je suis extrêmement satisfait d'avoir une réponse. Oui. Je peux vous le dire, je pourrais arrêter l'entrevue-là. Je suis très, très, très satisfait. Non, continuez. Mais je vais continuer quand même. Est-ce que vous avez encore des liens avec Québec solidaire? Est-ce que vous continuez à militer avec 29 Québec solidaire? Dons quand même. 29 dons, c'est quand même 60 $. Oui, c'est ça. Puis 60 $, c'est 50% du budget annuel de Québec solidaire. C'est pas rien. Vous affirmiez juste avant Noël que vous alliez vous cacher un peu là, pendant le printemps pour laisser la place aux autres excellents députés briller sur la scène fédérale. S'il vous plaît, invitez-les. Ça. Ils ne sont pas bien ben brillants là, à date. On ne les voit pas. On vous entend tout le temps parler. Il y a la commission qui recommence. Là, vous vous attaquez au pauvre Martin Dumont, qui a été, je pense, attaché de presse de Mme Bernard. De José Bernard, qui est maintenant sénatrice. Hein, quand les conservateurs, ils ne résistent pas à se faire élire. Arrêtez de passer vos petits signes. On n'est pas au Parlement ici. Là. Non, mais Martin Dumont, il est à la commission. en ce moment. Vous aimeriez ça qu'il y ait une enquête sur les dépenses de Martin Dumont? Parce que, bon, il aurait dépensé un petit peu d'argent lorsqu'il était avec Mme Werner. Mais en même temps, là, je veux dire, qui, quand t'es rendu député, s'achète du jus d'orange à 2$? Tu vises 16. Ben, minimum. Tu vises 16, minimum. Je veux dire, minimum. 43 000 $ en frais de déplacement pour 10 mois, par contre, ça peut être vu comme un petit peu exagéré. Et ce qui est drôle avec les conservateurs, c'est qu'ils se présentent toujours comme des saints gestionnaires puis ils font super attention avec l'argent du monde. Mais quand on se penche un petit peu là-dessus, c'est les pires. Il paraît que vous aimez le water polo. Vous êtes bien informé, oui. Ouais, j'ai joué au water polo avec l'Université de Montréal, avec un groupe gay lesbienne d'ailleurs, qui s'appelle La Contre-Courant, avant d'être élu. Puis là, depuis que j'ai été élu, j'ai pas le temps de jouer au water polo. Mais c'est un problème, ça, pour les politiciens, hein, de pas jouer au water polo. Entre autres, mais de pas se tenir en forme. C'est important de se tenir en forme. C'est très dangereux. J'ai réussi encore assez mal. Mais j'avoue que moi et mon équipe, j'ai un autre un attaché qui a joué au Autopolo aussi. Voyons, c'est quoi qui se passe avec cette affaire-là. Ouais. Et Jack avait déjà joué au Autopolo aussi à l'Université de Toronto, je vous jure. C'est un problème. J'ai un fantasme d'avoir une game de Autopolo contre une équipe de conservateurs. Franchement, là, ça serait super le fun. Je sais pas si vous le savez, c'est hyper violent. Ben, paraît-il, il faut avoir le costume de bain assez tight. Ouais. Ben, je vous remercie. Je vais rester sur cette image-là. Vous restez avec nous, hein, je vous en prie. On va continuer de parler de Autopolo. Polo, d'autres affaires le fun. Après, tout de suite après. Mais génial. Je ne sais pas si vous le savez, mais la course à la direction du Parti libéral du Québec, ça ne lève pas trop. Hein. Et c'est vrai. Et les débats manquent un petit peu de piquant. Alors, pour la suite des choses, le PLQ songe à revoir sa formule pour mousser ses cotes d'écoute. Voici la publicité. On écoute. Le talent, ce n'est pas que physique. C'est à l'intérieur de soi. Le concours de chantage qui ne ressemble à aucun autre. Trois hommes malmenés par la vie, trois déchirants mélodrames. Le premier est barbu et a survécu à l'enfer de la monarchie en Arabie Saoudite avant d'entretenir des liens troubles avec le gars qui a fourré le Kuzum. Moi, je suis allé là pour aider le ministre, qui est une bonne personne, à améliorer son système de santé. Un autre est à peine sorti de l'enfer du séparatisme et souffre de nanisme. J'étais numéro 2 pour l'organisation de la campagne du oui, en 80. Et le dernier est lourdement handicapé par le manque de contenu. Au-delà de l'apparence des candidats, nos juges devront choisir la voie que prendra le PLQ, même si on sait que dans le fond, ça va être la même maudite affaire qu'avant. Le seul suspense qui reste, c'est de savoir avec lequel des trois Jean-Pierre Ferland voudra coucher. Ne manquez pas le prochain épisode de La Voix, spécial PLQ à TVA. Vous savez, quand une catastrophe arrive, hein, c'est parfois extrêmement difficile de faire une émission d'humour et il y a des sujets délicats avec lesquels il est très difficile de rire, mais on peut pas faire semblant qu'il n'existe pas. Hein. Et aujourd'hui, c'est à notre grand reporter tout-terrain que revient la délicate tâche d'en parler. Jean-Sébastien Girard, bonsoir. Ah, bonsoir, mon bon JPW, comment allez-vous? Ça va très bien. C'est vrai, bon, vous le savez, hein, j'ai souvent repoussé les limites du danger, effectivement, dans cette émission. Mais aujourd'hui, à ta boy, mon bonhomme, je vais aller encore un peu plus loin. Alors, tel un Richard la tendresse, je vais mettre ma vie en danger au nom du journalisme. Et non, Jean-Philippe, je ne vous ai pas pris un aller-retour pour le Mali. Mm-hmm. Je ne suis pas non plus sur une scène de crime. Et non, je ne suis pas en présence d'Annick Jean non plus. Ah, mon Dieu, j'espère. Hey, ça. Bon, elle n'a pas l'air bien, cette femme-là. Ben non. Elle me fait bien pas. Ben oui. Bon, je suis pas ici pour vous parler de cette grande dame de la chanson, mais bien pour décrypter le drame qui s'abat actuellement sur le Québec. Voyons. Évidemment, oui, vous vous en doutez, évidemment, je suis dehors. Vous m'avez tout compris. Dehors, pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il fait froid. Mon froid Dieu. Comme en plein hiver, mon bon Jean-Philippe. Et comme les médias n'ont à peu près pas parlé de cette catastrophe cette semaine, j'ai décidé de consacrer mon topo à ce cataclysme sans précédent. Alors, sur le terrain, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il y a de la neige, ça fait croule sous les pieds des passants, il y a de la fumée qui sort de la bouche du monde. C'est très, très, très laid à voir. Et vous je savez, sais. J'ai couvert le 11 septembre en direct et je peux vous dire que c'était de la petite bière d'épinette en comparaison à ce qui arrive présentement. Alors, pour commencer ma couverture, j'ai pensé réinventer un peu le journalisme et faire des vox pop avec des gens de la rue. Ah! Donc, je vais demander aux gens si c'est vrai qu'il fait froid présentement. Alors, il y a quelqu'un ici. Madame! Madame! Bon, c'est peut-être Lisanne Gagnon qui me trouve inaudible, elle m'a pas entendu. Alors, on a une autre madame ici. Bonjour, madame. Bonjour. Bon, alors, c'est quoi votre nom? Karina. Alors, bonjour, Karina. Karina, est-ce que c'est vrai qu'il fait froid? Oui, il fait vraiment froid. Bon, et comment vous vivez ça, le froid? Je veux dire, ça doit être spécial. Avoir froid, ça doit être unique, insolite, inusité. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez envie de crier comme une damnée quand vous avez froid? Ben, ça me fait claquer des dents, puis j'évite de sortir après 6 heures. Ben voyons donc, vous êtes bien drôle, vous. Mais là, en tant que diffuseur public, on doit donner des trucs à la population pour survivre au froid. Dites-moi, c'est quoi que vous avez ici? J'ai mis des chandails comme des fleurs. Pas des chandails, puis ça, c'est quoi? C'est un autre chandail. Ah, voyons avoir des chandails. Alors, ce que cette dame-là est en train de nous dire, Jean-Philippe, c'est que pour contrer le froid, il faut simplement s'habiller. Arrêtez. C'est complètement malade. Jean-Philippe, merci beaucoup, madame, d'avoir consacré du temps à nous. Vous êtes belle malgré les épreuves, malgré l'adversité. Vous êtes une vraie résiliente. Vous pourriez chanter facilement devant Marc Dupré. Un dernier vox pop, Jean-Philippe, si oui. vous permettez. Oui, oui. Monsieur? Monsieur? Bon, ben, c'est-tu bête, il est mort. Ah, ben, c'est ça. C'est bête, hein, parce que ça, ben ça oui. s'appelle les joies du direct, Motadine, qui en plus, il était là hier à la même place, puis il était bien vivant, en tout cas. Alors, forcément, le Vox Pop va s'arrêter ici. Bon, et maintenant, phew. On oui. continue cette grande couverture, évidemment. Oui. On est toujours au Québec, il fait toujours très, très froid, il fait moins 22 Fahrenheit. Je préfère évidemment pas vous dire la vérité en Celsius ni en ressenti pour pas alerter la population. Oui. Mais vous savez, Jean-Philippe, j'ai couvert l'ouragan Katrina en 2005, et on sait qu'une population reste toujours stigmatisée par des grands événements comme ça, et pour prévoir un peu ce qui se passe, j'ai avec moi le célèbre psychiatre Yves Lamontagne. Ma première question, est-ce qu'il fait froid, docteur? Moi, je peux vous dire, j'ai mon parka qui est bon jusqu'à moins 50. J'ai mon casque de pilote de guerre, mon bomber hat. J'ai mes gants qui sont à batterie électrique. J'ai mes culottes de ski et mes bottes de ski tout. Je n'ai pas des culottes électriques toujours? Non, pas celle-là, mais je trouve qu'il ne fait pas très froid finalement. Ben, voyez-vous. Ensuite, ce que je veux savoir, c'est quelles conséquences pourrait avoir ce froid psychologiquement sur la population. Je veux dire, on n'était pas préparé à ça. C'est un peu une surprise. À quoi va ressembler l'après-vague de froid 2013? Oui, il y a deux choses. D'une part, je pense qu'on calcule mal, parce que le moins 21 centigrades, si on était avec les Américains, il ferait juste moins 5, donc il ferait plus chaud. Ah, ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est comme les ours, hein? On rentre dans notre tanière quand il fait froid. On se rapproche de sa conjointe, on dort plus tard, et dans un mois, ben, il va y avoir une augmentation du taux des naissances. Mon Dieu, ça me donne froid dans le dos ce que vous racontez là. Évidemment, des drames comme ça, ça peut mener à la folie collective. Jean-Philippe Vautier parlant d'ouverture d'émission de cette histoire vraie d'un homme qui a perdu sa bisoune parce que fourré un snowman. Est-ce que ce genre de comportement pourrait arriver et se multiplier au cours des prochains jours? Peut-être que oui, parce que les spermatozoïdes sont davantage stimulés par le froid que par le chaud. Ah! Cependant, si j'avais vu ce monsieur-là, je lui aurais suggéré qu'une bonne douche froide, ça aurait pu faire autant effet, et qu'il aurait peut-être pas parti, perdu son petit bout. Pas encore drôle, ça, docteur. En terminant, vous, là, Annick Jean, là, c'est-tu grave? Annick Jean? C'est qui, ça? Comédienne. C'est pas grave si vous la connaissez pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, docteur Lamontagne. Merci d'avoir été là malgré la situation. Je termine donc cette vaste enquête avec la petite Ève Christian que vous connaissez, hein, qui est souvent ben oui. à l'émission des hôtels. Mon Dieu, Ève, que ça doit être difficile pour vous quand même tous les jours d'annoncer ces événements-là. Vous êtes un peu la porte-voix de cette catastrophe. Est-ce que vous vous sentez un peu depuis une semaine comme, je sais pas moi, Gaétan Montreuil qui lit le manifeste du FLQ? Ben non, pas tant que ça quand même, Jean-Sébastien. On est en janvier, c'est un peu normal qu'il fasse froid. Il fait un peu plus froid, mais on est capable de survivre à ça quand même. Oui, mais c'est quand même étonnant qu'il fasse froid en janvier. Je veux dire, nous, les médias, on n'en revient pas. Vous seriez moins surpris si vous êtes pas en juillet, quoi. Je ne sais pas trop. Non, janvier, c'est normal. Là, ce qui est anormal, et je vous parle sérieusement en tant que météorologue, c'est la durée de ce froid-là. La dernière fois que ça a remonté comme ça, c'était plutôt au 8 janvier 96 à Montréal. Et vous savez que mercredi, à Rouyn-Noranda, il a fait moins 43, et ça, c'était l'endroit le plus froid de la planète pour cette journée-là. Yep, tablette, c'est un beau record. Mais vous êtes bien fine, ma belle Ève. Et bien voilà, c'est déjà fini pour ma vaste wow. couverture de cette tragédie. Jean-Philippe, je pense que ça va m'ouvrir des portes sur le plan professionnel. Honnêtement, je vais m'arranger pour recevoir une balle de neige dans le front. On peut peut-être, avec un peu de chance, me donner le téléjournal à animer l'année prochaine. Ben, je vous le souhaite, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Puis faites attention à vos petits bouts. OK, oui. Bye-bye. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de la première chaîne, l'émission qui n'est pas conseillée par Jacques Duchesneau pour parler dans le micro. Ce qu'on dit, on l'assume. Ben, pas tout le temps. Non, c'est pas vrai. Non. Ben, quand même. Oh, okay. Ben, voici un homme, justement, qui a pas les petits bouts de gelée. Bon. Fred Savard. Ben, c'est vrai. Ben oui, écoutez, on a eu droit à tout un concert d'éloge cette semaine, hein, suite au départ du grand Richard Garneau, mm-hmm. qui nous a quittés dimanche dernier. Je n'ai pas eu la chance, malheureusement, de travailler avec ce monument, mais j'en garde quand même un souvenir ému, puisque ce fut la première personnalité publique que je croisa dans ma vie. C'est vrai? Oui, j'avais 7 ans. J'assistais pour la première fois à un match du Canadien au Forum de Montréal contre le Philadelphie, et nous retournions à la voiture, papa et moi, et telle ne fut pas ma surprise de croiser M. Garneau, qui me parut comme un géant, moi qui étais si petit. Et j'en garde un souvenir ému. Ému? Okay. Et j'ai eu la chance quand même de le croiser aussi quelques fois à l'époque des apartistes quand nous faisions une chronique hebdomadaire à l'émission de Joël Lebigo, mais j'étais trop intimidé pour adresser la parole à M. Garneau. J'avais 7 ans à chaque fois. Et c'est à cette même époque que j'ai eu également la chance de croiser Lysiane Gagnon lors d'un party de Noël de la presse, alors que nous avons été engagés pour le spectacle de la fin de soirée, hein, au grand plaisir de la moitié de la salle et au déplaisir de l'autre moitié, qui comptait Mme Gagnon probablement. Alors, permettez-moi de revenir sur son article intitulé « Le franglais subventionné » paru cette semaine. Bon, il y a plusieurs personnes au bureau qui m'ont déconseillé de m'attarder sur les propos d'une scribouilleuse qui distille depuis fort longtemps dans les pages de la presse les années amères d'un contrat qui visiblement n'en finit plus de s'éterniser, même si je suis sûr qu'elle a sûrement son lot de lecteurs. Que voulez-vous, la société vieillit et une masse critique de bigots est visiblement assez substantielle pour que la presse lui laisse maculer d'encre noire une colonne deux fois la semaine dans un français, je dois l'avouer, tout à fait dans les canons que Maurice Grévis ne renierait pas si les asticots ne lui avaient pas déjà rongé le bréviaire. Quelle langue affligeante! Je reviens sur ce qu'elle a écrit parce que je pense que la critique doit nous faire grandir, bien que cela ne nous empêche pas de répliquer quand cette même critique n'atteint pas la bonne cible. Alors je cite donc la madame, si vous ne l'avez pas lu. La radio d'État reste l'un des rares lieux où l'on se soucie vraiment de la qualité de la langue, mais en soirée, cela se gâte avec un groupe de comiques aux blagues d'une accablante débilité dont la langue est si relâchée qu'ils en deviennent presque inaudibles. Rien à voir avec les formidables imitateurs de la semaine prochaine, une émission intelligente et très drôle. D'abord, est-ce une bonne nouvelle pour nos collègues imitateurs de compter Lysiane Gagnon parmi leur auditoire? Je n'en suis pas si sûr. Et dans un deuxième temps, est-ce que Radio-Canada est devenue une radio d'État et on ne nous aurait pas prévenus? Une radio d'État relaie la propagande d'un gouvernement, un peu comme le ferait Mme Gagnon quand le Parti libéral est au pouvoir. Radio-Canada est une radio publique, une nuance primordiale qui semble avoir échappé à l'auguste chroniqueuse. Ensuite, qui est donc le groupe de comiques aux blagues débiles dans un français si relâché? Parce que Mme Gagnon n'est pas très précise. En soirée, oui, mais quand? Lundi? Mercredi? Dimanche? Peut-être écoute-t-elle Tout le monde en parle à la radio pour en venir à de telles conclusions. À moins qu'elle parte de l'émission Bonaparte. Oui, c'est vrai, ce n'est pas une émission qui, dans son mandat, est très drôle, mais Alexandre Courteau démontre une maîtrise du français dans la plus pure lignée radio-canadienne. Oui. J'en suis même venu à me dire qu'elle parle peut-être du pornographe, qui répond très bien à cette description, sauf pour la dernière saison, mais je me suis rebiffé, puisque l'émission n'est plus en onde. C'est à ce moment que j'eus une révélation. Oui. Pouf, Eureka. Elle parlait donc de nous, mais sans nous nommer, bien sûr, comme bien des détracteurs le font, pensant ainsi nous priver d'une publicité que nous n'avons même plus besoin de toute façon. Et j'ai pensé tout de suite à nos auditeurs qui, rappelons-le, malgré la brièveté de notre existence radiophonique, pourraient tous réunis remplir le stade olympique, là où jouait le célèbre Gary Carter, celui dont Mme Gagnon ignorait totalement l'existence avant qu'il meure, mais ce n'est pas si grave, puisque Gary Carter ignorait également l'existence de Mme Gagnon, chose que nous lui envions d'ailleurs. Ainsi donc, je me disais, comment une telle foule radio-canadienne de surcroît pourrait carburer à ce point un humour débilitant dans un français si affligeant? Je n'eus pas de réponse. Comme le disait si bien le grand Pierre Desproges, dont nous n'arriverons jamais à la cheville, même ouvrière, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Voilà un axiome qui n'aura jamais été aussi vrai avec Lysiane Gagnon. Mais qu'elle s'en voit rassurée, les soirées radio-canadiennes ne seront pas éternellement la décharge d'un humour si bas, puisque nous travaillons très fort pour changer de case horaire. Voilà, merci. C'est ma petite réplique. Mais on prend la critique et on en a brainstormé beaucoup, puis on va s'améliorer, je pense, d'ici quelques années. On a eu une rencontre avec Guy Bertrand. Oui. Et franchement, ça a très bien été. Ça a bien été. Oui. Ben, moi, il va nous faire son rapport. Ben, moi, je m'améliore à chaque semaine. En tout cas, j'essaie. Présentez-nous notre deuxième invité, Fred. La légende veut qu'elle soit à l'origine de la commission Charbonneau et selon plusieurs observateurs, elle serait une vedette montante de la politique québécoise. Accueillons la députée caquiste Sylvie Roy. Eh bien, vous êtes arrivé sain et sauf, et ça me rassure. Oui. Les maudites routes du PQ. Ça, c'est encore le PQ, ça, les routes. Oh oui, il y avait pas de Il enlève le sel, il enlève tout le kit. Regarde, on sait qui est accusé. On est content de vous avoir, Mme Roy. Et la maire de la commission Charbonneau, est-ce que vous avez demandé des droits RDI? Eux autres, ils font des codes d'écoute de fou avec ça. Ah, c'est une bonne idée. Ben, je pense. C'est juste à côté. Hey, ça pourrait me faire un petit peu de financement. Ben, je pense que oui, ça pourrait vous aider parce que je sais pas, ça fonctionne-tu encore, ça, la CAQ? Oui, ça fonctionne. Ah oui, on a encore une réunion lundi prochain. Arrête! Ah oui, ben, vous continuez! Mon Dieu! Les autres aussi, nos réunions, c'est le lundi. Je pensais que vous aviez mis une porte dans la clé dans la porte. Non, mais on rit bien, mais c'est parce que on entend presque autant parler de la DQ que de la CAQ maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous êtes sous les radars maintenant? Bien, ça a été une courte période pour le Parlement. Puis ça a été un discours inaugural, pas un budget. Ouais. Donc là, la première ministre maîtrisait l'agenda. C'est difficile de... Vous trouvez qu'elle maîtrisait? Bien, ça maîtrisait seulement l'agenda. Ah, OK. Ouais, Donc, c'est ça. Ça a fait qu'on avait plus de difficultés à passer des messages autres que d'être en réaction aux événements. C'est une petite période. Là, on commence le 4 février avec l'étude des crédits, puis on va jusqu'au mois de juin. On commence en bas d'hiver, puis on finit en gougoune. Ah, mon Dieu! Ça va être beau de voir ça en gougoune. Oui. J'essaie de voir M. Duchesneau arriver en gougoune. Est-ce qu'il va se mettre en... On n'a pas le droit de s'habiller en gougoune à l'Assemblée nationale. On peut y arriver en gougoune, mais il faut changer pour entrer dans la salle. Ah, OK, bah, parfait. Parfait. Juste pour être certain, vous êtes la maire de la commission Charbonneau. Vous étiez la première à demander la tenue d'une commission d'enquête. Oui. Puis dans ce temps-là, je me faisais crier des noms, puis ça a continué. Vous faisiez crier des noms? On se souvient pas par qui. Oui, on disait. Ben, ça a commencé. Quand j'ai parlé des extras au MTQ, il était outré. C'était scandaleux ce que je disais. Ouais. Alors, j'aimerais ça qu'on les refasse jouer. C'est en quelle année, ça? Ah, ça m'a pris 926 dodo avant d'avoir mon. Donc, c'est à peu près en avril. Deux ans avant la commission. Et mon 2009, donc. Oui, 2009. Ah ouais, puis là, j'ai commencé par sortir des contrats qui étaient sur le site du MTQ. Puis j'ai dit, voyons, le contrat est aussi gros que les extras. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, mais là, on comprend puis tranquillement là, pourquoi. Là, je fabulais, là, oui. Mais c'était des documents qui étaient sur le site du MTQ. Là, puis je disais n'importe quoi, mais je les avais, des documents. Puis ah, c'était épouvantable tout ce que je pouvais dire. Bien, ça profite quand même, ça, des extras. Regardez que l'Union Montréal s'en est servi. C'est ça. Bien, moi, je suggérais peut-être au NPD puis à la CAQ de faire la même chose si vous voulez avoir de l'argent. Surtout pas. Surtout non, pas. Bon. Mais en tant que mère de la commission Charbonneau, est-ce qu'on est fier de son enfant? Oui. Ah oui? Oui, moi, je trouve que ça va très bien. Il faut comprendre qu'on a... Ce que j'entends des fois comme commentaire, c'est souvent des commentaires qui disent ben le show est pas bon, mais c'est pas un show là, c'est une commission d'enquête, il y a des règles assez. Ben, c'est pas un show dans le sens que c'est pas le but là. Ben, c'est peut-être les effets collatéraux. Des fois là, c'est meilleur qu'à TV, mais que la programmation normale, parce que quand même ça donne de bonnes révélations. Martin Dumont par exemple, qui était un personnage dont il se souvient même plus lui-même quel était son rôle, mais on en apprend quand même des choses avec ces gens-là. Oui, on en apprend. Est-ce qu'on est surpris? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, non. Donc, vous l'écoutez même pas, vous? Ben, je l'écoute d'une oreille. Je l'écoute pas vraiment dans les détails parce que je veux juste pas mêler mes perceptions puis ce que je sais. Ah. Parce qu'il y a des bouts que je sais, là. Oui, ouais, justement, parlons de ça, les bouts, vous savez. Là. Parce qu'il y a des bouts que je sais puis que j'ai rencontré la commission Charbonneau. Moi, j'ai pas de pouvoir d'enquête, de perquisition, d'écoute électronique. Donc, il y a des dossiers là, qui me manquent juste une maille pour les fermer. Que j'aurais pu dénoncer. Mais maman. Ben, dites-nous-les, peut-être qu'il y a des gens qui ont des contacts ici, puis on pourrait les attacher. Là. Savez-vous que. Allez-vous payer mon avocat? Ben, on a des avocats ici, je pense. Parce qu'en fait, Savard doit le savoir. Non. Sinon, mais on va l'apprendre bientôt. Ouais, c'est vrai ça. Que il y a plein d'autres dossiers qu'on sait qui ont été dénoncés. Il y a des anciens collaborateurs de d'autres partis politiques qui se sont confiés. Puis ils ont peur vraiment, ils ne veulent pas parler publiquement. Et puis moi, ben, sans preuve exacte, vraiment, ou bien sans autre preuve documentée, je ne peux pas. Puis est-ce que vous pensez qu'on va, on va les voir, la commission Charbonneau, ou au moins la commission Charbonneau va servir à déterrer ce genre de magouille-là? Je suis pas mal certaine parce que. On la voit aller, la commissaire, puis elle dit des choses seulement qu'elle peut s'avancer, quand c'est elle qui parle. Ouais. Je dois préciser. Donc, elle a dit Montréal. On n'a pas fini Montréal. Après, elle a dit Laval. Mascouche. Elle a dit Trois-Rivières. Ensuite, ministère des Transports du Québec. Puis finalement, le Parti libéral. Ah, on finit avec la cerise. Ouais. Bon, ben, je trouve ça le fun. vous êtes dans la deuxième opposition. On a eu la campagne électorale au mois de 12 septembre et on voyait la CAQ très haut. Hein. Vous aviez eu de très bons sondages. Mais bon, il y a eu une petite chute à la fin. Ça veut dire que c'est disproportionnel, le nombre de votes versus le nombre de députés. Mais là, comment on fait dans la deuxième opposition pour vous, puis même pour la NPD dans l'opposition? Est-ce qu'il est possible d'accomplir des choses? Ben, comme avoir une commission Charbonneau, oui, c'est possible. Ouais, quand j'étais même. Dans la deuxième opposition. Oui, c'est vrai. Et puis à l'époque, avec la DQ, puis c'était pas rien que la deuxième, pas rien qu'un peu, ça. Mais deuxième juste, par exemple. Deuxième juste avec, avec le Québec solidaire. Ben oui. Puis, ça en prenait deux qui étaient aux toilettes, de égalité avec Québec solidaire. D'ailleurs, pendant ce temps-là, j'étais assis à côté d'Amir Kadir. Ah oui, ah oui. Ben oui, d'ailleurs, il se plaint de sa nouvelle place, Amir Kadir. Il paraît qu'il a été reculé loin. C'est ce qu'on appelle le poulailler. Ah oui, ça en appelle ça de même. Vous avez pas dit ça, hein? Oh! C'est pas vanté de ça, M. Kadir. Cela dit, on était avec M. Boulris tout à l'heure, avec le NPD, qui a fait une grande percée aux dernières élections. Et j'avais envie de dire à M. Boulris, ou en fait, de lui demander s'il avait peur que ça soit un feu de paille, le NPD, parce que j'ai une petite histoire à vous raconter. Allez-y. C'est l'histoire de l'ADQ. Il s'était fait élire avec... attendez, je vais y raconter, okay, moi. Allez-y. Oui, j'aimerais ça. C'est quoi votre perception et les faits? Ouais, c'est on va voir c'est quoi la différence entre les deux. L'ADQ? Mais moi, je pense qu'on s'est continué dans le CAQ. Parce que quand on dit la CAQ, c'est le premier parti qui a demandé une commission d'enquête, ben c'était l'ADQ... qui a gagné les places où on a déjà beaucoup travaillé, nos députés qui étaient dans les endroits où l'ADQ était plus fort. Maintenant, il nous reste à rayonner, à convaincre. Fait que dans le fond, il reste beaucoup d'ADQ dans la CAQ. Et que ça se dit mal. Il en reste, oui. Ouais. ça se dit mal. Oui, il y en a. Fait qu'il y a beaucoup d'idéologies adéquistes dans l'idéologie caquiste. Ben, pas nécessairement, parce qu'on a des libéraux fédéraux qui travaillent avec nous. Il y a aussi des anciens péquistes. Ben oui. Hey, donc, comment il va, notre beau François Rebello? Ouais. Je l'ai. Vous c'est drôle, saviez, je pensais on dirait, que ben tu voulais oui. me parler de lui. Ben oui, je sais. François Rebello, où avez-vous trouvé? Il est venu nous voir. Il a dit qu'il se lançait dans une entreprise, puis je ne l'ai pas revu. Là. Arrêtez donc. Probablement au prochain conseil général. Ah ben j'essaie d'en entendre parler. Cela dit, justement, on a ces deux députés de l'opposition, et je parlais justement d'un retour qui a été difficile pour la DQ, et on peut imaginer aussi peut-être un retour qui va être difficile pour la NPD. Mais est-ce que c'est quoi les conseils qu'on peut donner justement à ce groupe de jeunes poteaux là, qui vont se représenter en 2015? Bien, justement, quand je suis arrivée, je vais vous dire, la première fois que j'ai entendu parler de moi sur la télé nationale, c'était De Rome qui commentait l'élection. En 2003, non? Oui. Puis il a dit une vraie inconnue gang à l'ADQ dans la binière. Puis là, la première fois que je l'ai rencontré en personne, c'était sur le plateau de Tout le monde en parle. Je suis la vraie inconnue. Mais justement, comment on fait pour qu'en 2015, par exemple, parce que là, bon, il va y avoir des élections en 2015 au fédéral, comment on fait pour se préparer à ça pour pas qu'on soit l'ADQ du fédéral? On aimerait mieux même qu'il arrive le plus vite possible là, pour qu'on s'en débarrasse le plus rapidement possible. Mais quand je suis arrivé à Ottawa, Charlie Angus, qui est un député formidable du nord de l'Ontario, il m'a dit « Montrez que vous êtes là pour défendre votre monde. Okay. » Et si vous êtes capable de faire passer ce message-là, que vous vous tenez debout, puis vous défendez vos valeurs, puis vos concitoyens, vous avez des bonnes chances d'être... Parce qu'il m'a dit « Être élu, c'est dur. Ouais. Être réélu, c'est plus difficile encore. » Encore? Oui. Alors, il faut travailler deux puis trois fois plus fort. Alors, je pense que les députés néo-démocrates, peut-être parce qu'ils étaient moins nombreux au début, on a la tradition de travailler plus fort que les autres, généralement, à la Chambre des communes. Fait que ça devrait être bon signe pour qu'on puisse battre les conservateurs en 2015. Et l'élection provinciale, ça va être dans une couple de semaines, on imagine. Est-ce qu'on est prêt? J'imagine pas. Ben, est-ce qu'on est prêt pour l'élection provinciale? Ben, c'est ça qu'il faut faire. Il faut voir à travailler. Tout ce qui est fait n'est plus à faire, mais avec une course à la chefferie, à l'heure actuelle, je pense qu'ils vont la terminer. Ils vont backer le PQ comme ils l'ont fait pendant la dernière session. Oh là, c'est pas bon, le mot que j'ai employé. C'était pas du bon français. Ah non, il y a pas de problème. Moi, ça me dérange pas. OK. Donc, ils appuient le Parti québécois où ils vont se cacher lorsque c'est le temps de voter pour pas défaire le Parti québécois. Donc, le Parti libéral ont envoyé des signaux très clairs qu'ils ne veulent pas d'élection. La coalition Avenir Québec veut des élections. Nous autres, on a tous voté. On est tous allés voter contre le budget. Et personne qui est resté dans les toilettes, qui avait mal au ventre. Mais oui, mais c'est, vous savez, la gastro, ça court tellement vite. C'est contagieux, c'est ça. En plus, c'est ça. Puis d'un petit endroit comme l'Assemblée nationale. Fait que là, donc, on imagine des élections très bientôt et vous allez être prêts et vous allez prendre le pouvoir, on imagine? Ben c'est sûr. Comme le NPD? Voilà, exactement. Mon Dieu, ça va faire des belles réunions provinciales, fédérales. Voilà, des winners. Vous êtes avec des winners. c'est ça que je suis en train de voir. Ben, je vous remercie beaucoup. Vous restez avec nous. On va écouter notre prochain chroniqueur. Vous le présentez, Fred, s'il vous plaît. Alors que la grippe fait des ravages parmi la population, les bactéries de la radio jambon font également des ravages dans nos cerveaux. Mais heureusement, nous avons un vaccin hebdomadaire. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ah, Olivier! Oui! Ben, la commission Charbonneau renouait cette semaine avec Martin Dumont, qui aurait un peu menti lors de sa première comparution devant la juge. Et la majorité des analystes se sont désolés de la chose, puisqu'il devient maintenant très difficile de trier le bon grain de livret dans son témoignage. Heureusement, il reste Éric Duhaime pour défendre la liberté de dire n'importe quoi. On s'attaque aux whistleblowers, à ceux et celles qui disent des choses, puis on s'attaque à leur crédibilité plutôt que de s'attaquer aux bandits. Et ça, ça me dérange profondément. Parce que Martin Dumont, là, on a beau être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il a dit, le croire ou pas le croire, c'est toujours pas Martin Dumont qui a décidé que le maire Tremblay démissionnait, hein? Et on le comprend, Duhaime ne pouvait laisser passer ça puisque c'est son pain et son beurre que de trafiquer la vérité pour se flatter l'idéologie dans le sens du poil. Lundi soir était diffusé à Télé-Québec un documentaire sur les piqueries supervisées qui a profondément touché Denis Gravel de Radio X. Ben, pas au point de le faire changer d'idée quand même, là. Eux autres, le point, c'est, au lieu de se piquer dans le parc, ils disent là, ils vont tous aller se piquer dans la place supervisée, aseptisée, les seringues vont être jetées. Mais moi, mon feeling, c'est qu'ils iront pas. Ils iront pas. Ils aiment ça, Je sais que c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais il aime ça être d'une toilette sale avec une affaire autour du bras. Ça fait partie du trip un peu. Je pense que oui. Voilà, c'est pas une question d'études scientifiques et d'observation sur le terrain. C'est une question de feeling. Rien de mieux pour alimenter un débat éclairé. D'ailleurs, j'ai comme le feeling que Denis Gravel et Jérôme Landry vont bientôt faire une overdose de préjugés dans une toilette sale. De son côté, Sylvain Bouchard, la tête d'affiche de Cogeco à Québec, avait envie de nous parler de son amour des gaz de schiste et de tous les sacrifices qu'il est prêt à faire pour eux. Il risque d'avoir au moins une famille de 5 personnes intoxiquées mortellement par l'eau du gaz de schiste. Savez-vous quoi? Je suis pas prêt. Hein? Tu viens de dire que tu veux tuer, Butch, 5 personnes. T'es pas pareil, même si on dit que ça va arriver. Et je vous répondrai, fermons les routes. Eh ben non, Butch, on fermera pas les routes. Voyons donc, on en a besoin. Ben c'est ça. Le gaz de schiste, on en a besoin. S'il y a 5 morts, il y aura 5 morts. Ben oui, 5 morts, ça se gère bien, là. Surtout quand c'est pas toi qui meurs, là. Ouais. Puis, c'est vrai qu'on en a besoin, là. L'énergie dont on sait pas quoi faire avec, là, ça va nous coûter à peine 4,5 milliards d'ici 2020. Autre grosse nouvelle, Teresa Spence, la chef d'Attawa Piscataway, oui, qui met fin à sa grève de la faim. Une belle occasion pour Mario Dumont de dénoncer au 98.5 FM ceux qui se sont moqués d'elle. Tu sais, les gens méchants là, au Canada anglais, il y en a qui disent qu'elle a fait plus une diète, là, mais comme ça, une grève de la faim est semi-contrôlée. Ah, les méchants au Canada anglais, comme ses collègues au Journal de Québec, Dominique Moret ou Jérôme Landry, ou Éric Duhaime, son ancien conseiller politique, ou encore Sylvain Bouchard, à qui il parle tous les matins. Bon, elle fait la grève de la faim. Elle mange, hein, en passant, elle mange, Mario, là. Elle mange des soupes aux poissons. Soupes aux poissons. Alors, c'est pas une grève de la faim, c'est une cure d'amaigrissement. D'abord, ben oui, mais on va dire les vraies choses. Ouais. Qui ne dit mot consent et qui dit ouais consent encore plus. Une chance qu'on a Mario Dumont pour se dresser devant les méchants comme Mario Dumont. Terminons avec Stéphane Gendron, le futur ex-maire d'Huntingdon, oui, oui. Qui sur les ondes de VTL en avait long à dire sur les voyages de Pauline Marois. Elle va aller jaser de pète en dessous du bras d'indépendance avec un premier ministre d'Écosse. Ben, là, on écoute. Compare l'Écosse au Québec, Sophie. Non, mais il faut être un maudit tarlat. Comparer l'Écosse... au Québec, province pauvre de BS, ces maudits voyages-là de la petite diplomatie nègre du Québec, ça donne quoi, là? T'sais, ils me font penser à des rois nègres africains, là, puis quand les investisseurs arrivaient, ils se mettaient à plat ventre, là. Des rois nègres blancs d'Amérique qui font des pets en dessous des bras. C'est gênant, hein? C'est une chance qu'il nous reste André Boisclair pour nous donner un peu de prestance à l'étranger. Ah, ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Olivier. Vous le savez, on a eu droit à toutes sortes d'avertissements cette semaine en raison des grands froids qui se sont abattus sur la province. On n'en a pas assez parlé de tout ça. À la soirée, on trouve toutefois qu'un avertissement encore plus important n'a pas été entendu. On écoute. La vague de froid qui frappe présentement le Québec est sévère et comporte des risques graves pour la population. Mais la menace ne vient pas de l'indice de refroidissement éolien. La menace vient de l'indice d'exagération médiatique, un mal qui gèle le cerveau et qui frappe la population de novembre à mars. Méfiez-vous des météorologues avec un micro. Ils sont dangereux. Un message de Psychose Collective Québec. C'est vrai hein, qu'on fait pas assez attention à ça. Non. Ils sont fous, ce monde-là. Foufou. Ils sont fous. Fred, notre prochain chroniqueur. Malgré le fait qu'il soit le nouveau rédacteur en chef de Projet J, un obscur projet sur le journalisme, notre correspondant parlementaire aura quand même encore beaucoup de temps à nous consacrer. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Hey, bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir. C'est quoi ce Projet J? Ben, c'est un observatoire sur le journalisme. Mon alors, c'est là qu'on c'est observe, par exemple, des gens qui passent de TVA au NPD. C'est vrai, M. Boulris a fait ça. Oui, c'est un phénomène assez rare qui se produit. D'habitude, ça s'en va au PQ, ce monde-là. Exactement. Alors, les députés sont encore en vacances. Vous recommencez en début février. Non, on n'est pas en vacances. Faites attention. Vous êtes encore en vacances. Avant que vous rentriez au Parlement, vous suivez donc les courses aux directions des partis libéraux. Oh, quel suspense. Je suis au Québec et Canada. Des performances époustouflantes, des arguments plus imagés les uns que les autres, des candidats inspirés, mus par le seul désir de servir le public. C'est vraiment bon, la voix. Pour revenir aux courses à la direction, c'est ça. Course à la chefferie, vous connaissez ça d'ailleurs. Vous, de votre côté, la vôtre au NPD, c'était quand même très excitant. J'étais là à Toronto l'année dernière. Oui, tout le monde se demandait. C'est pas. Ça. Tout le monde se demandait si Thomas Mulcair allait être élu avant minuit. C'était bien le fun. On t'allait juste à temps. Mais celle de la DQ, la dernière, était bien. C'est ça. Madame Roy, la course opposait deux deux candidats, Erika contre Gilles Taillon, mais c'est Gérard Deltel qui a gagné. Grâce à Omar Bongo. Ouais. C'est toujours les choses différemment, là, des culs. Ben, tu sais, on n'est pas raciste, on fait voter les morts d'ailleurs chez nous. Ça, c'est vrai. Je trouve ça bien correct, ça. Qu'à faire voter des morts. OK, c'est nécrophilique, mais en tout cas. Parlons des débats, là. Qu'est-ce qui s'est dit pendant ces débats-là? Bon, c'était des débats animés par Dominique Poirier au PLQ, ouais. Ce qui permet d'entrecouper les échanges, notamment par des conseils sur l'entretien de vos plantes, les bienfaits du quinoa, où vont les canards quand il fait froid, là, des choses comme ça. Ouais. Premier débat, le thème, c'était comment mieux préparer la relève. Et Pierre Moreau, lui, dit ouais. qu'il n'est pas sûr que les cégeps soient vraiment utile. On soupçonne les vieux préjugés de places de poteux, de drogue et de dépravation. Attendez, là. Oubliez pas que c'est au cégep que Léo Bureau-Blouin a appris à avoir 60 ans. Hein? Fait que... Mais le PLQ, vous savez, c'est comme un débat ouais. cordial, respectueux, ah. d'establishment. Puis là, zoup, le mot constitution apparaît, puis là, tout le monde a peur. Hein? Ouais, on ouais. leur demande s'ils se reconnaissent dans le Canada actuel, puis là, tout le monde dit qu'il ne faut pas jouer le jeu du PQ, tu sais, les convictions, là. Ouais. Mais Philippe Couillard, lui, veut une conversation pour faire mûrir le fruit. Mûrir le fruit. Ce à quoi Dominique Poirier lui a rappelé que pour faire mûrir les fruits, il faut les mettre dans un sac brun. C'est un beau moment. Et des sacs bruns, ça se trouve assez bien au PLQ, d'ailleurs. Ouais. Deuxième débat, comment mieux gouverner? Bon, à part ouais. monsieur. Moreau, M. Bachand, qui aurait géré ouais. la crise étudiante différemment. Oui. On rappelle qu'il était ministre. Pierre Moreau, d'ailleurs, ne voulait même pas d'enquête publique après le rapport du Chesneau. Il voudrait une commission d'enquête permanente sur l'industrie de la construction. Ce à quoi Dominique Poirier lui a rappelé que dans la vie, rien n'est permanent, mais qu'il faut croire en ses rêves. Hein? Alors, donc, Charbonneau Forever, la commission qui a dû ajourner ses travaux ouais. pendant 3 semaines parce qu'elle n'avait pas assez de témoins. Ouais. Mais bon, au moins, on ne peut pas reprocher à Pierre Moreau de ne pas proposer des nouvelles choses. À chaque fois, Philippe Couillard dit non. Puis là, on l'accuse de refuser les débats. Et ça, là, c'est ouais. jamais arrivé au Parti libéral du Québec de refuser les débats. C'est vrai? Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dedans. Mais allez-y. Oui, ben c'est ça. Et pendant ce temps-là, ben Raymond Bachand lui donne des chiffres. Je pense qu'il leur faudrait peut-être une icône, un peu comme Barack Obama, là, en pop art, là, il y avait hope. Là, ouais, ouais, là ben ça oui. serait bien d'avoir Philippe Couillard avec santé là, ou barbe. Ouais, ça serait bon. Raymond Bachand là, avec économie là, ou juste part. Ouais. Puis Pierre Moreau là, avec je m'appelle Pierre Moreau. Ça, ça pourrait être utile. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal plus de monde qui veulent succéder à Bob Rae. Ah oui, course à 9 candidats. 9. Puis, vous savez, avec ouais. Justin Trudeau, Marc Garneau, Martin Cochon puis Martha Hall Finlay, là, sur les favoris, ouais. la concentration de lieux communs à la phrase au carré atteint ici des sommets stratosphériques. Ah oui, à ce point-là, oui. Mais puisque notre mandat à la soirée est encore jeune et bien sûr d'éclairer les Canadiens sur ouais. les vrais enjeux, je vous présente les 5 candidats qu'on connaît pas. Okay. Alors, le plus jeune, David Berchi, 52 ans. Ah, plus jeune? Oui. Ah, OK. Né à Sainte-Adèle, ouais. grandi à Verdun, avocat. Il se surnomme le solutionneur de problèmes parce que lui, il n'a jamais fait de politique. Ah, ben oui. Il croit vraiment. Karen McCrimmon, 54 ans, ancienne colonelle à la retraite des Forces ah, canadiennes. Ouais. Elle a vu ramener la civilité au Parlement. C'est clair, Vautier? Oui. Oui, c'est okay. ça. Oui. Georges Takash, 55 ans, avocat, passionné d'informatique. Lui, veut impliquer les geeks de jeux vidéo en politique hein? et amener son parti dans le 21e siècle grâce à la technologie. Contrairement aux conservateurs qui, en dépit de la technologie, veulent ramener le pays au 19e ah, siècle. Okay. Et finalement, Deborah Coyne, non, même pas finalement, Deborah Coyne, ah, 57 ans, oui. ex de Pierre-Éliott Trudeau. Ils oui, ben oui, ensemble, c'est vrai. Oui. Ex-belle-mère de Justin, donc il n'y a oui. pas juste au PQ qu'il y a des belles-mères. Oui. Constitutionnaliste, prof d'université, oui. taxe sur le carbone, elle est pour, lunettes, cheveux gris, bref, elle a tout de Stéphane Dion, c'est magnifique. Et finalement, Joyce Murray, 58 ans, née en oui. Afrique du Sud, seule candidate de l'Ouest quand même, et la seule qui veut collaborer avec le NPD. NPD, ben oui. Et le Parti vert, bref, probablement qu'elle va être dans la prochaine mouture de Notre Home présentée par Jean-François Lisée. On imagine. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On a très hâte que la session recommence. Hein? Ah, ah oui, merci ouais. énormément. Ah, ouais. C'est déjà terminé. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est Plus on est fou, plus on lit, suivi de Bande à part. Merci à toute l'équipe. Fred Savard, Olivier Niquet, Jean-Sébastien Girard, Valentine Ticotte, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge et exceptionnellement ce soir, Marie-Claude Bocage. Un gros merci à nos invités. Alexandre Boulris, Sylvie Roy, bon retour merci. Au Parlement. Merci beaucoup. Bonne chance dans l'opposition, surtout, et bon travail. Et quant à nous, si vous voulez écouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et si vous voulez assister à l'émission la semaine prochaine, jeudi à 17h, nos invités Louise Beaudoin et Jacques Duchesneau qui viennent nous visiter. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Ouais!